Mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif accordé par notre consoeur de la CGTN basée à Beijing en Chine, Madame Changuizhong, qui Bonjour nous parle. Jérôme, aujourd'hui on va parler de l'économie des vacances puisque ça sera bientôt le 1er mai en Chine, vu que le 1er mai c'est la journée internationale des travailleurs et donc cette fête sera également célébrée par les Chinois pendant une période de vacances de 5 jours, concrètement du 29 avril jusqu'au 3 mai. Traditionnellement, on désigne cette période comme les congés du 1er mai, c'est aussi notre thème d'aujourd'hui quand on parle de l'économie des vacances. Bien sûr, quand on a les vacances, il y a des personnes qui vont sortir, profiter de cette période pour voyager, pour la consommation et aussi pour sortir avec leur famille, avec leurs amis. En effet, il s'agit à partir durant le week-end et aussi pour les 3 premiers jours du mois de mai, il s'agit des premiers congés de 5 jours après l'assouplissement des règles relatives à la COVID-19 en Chine. Une période idéale pour profiter du printemps et aussi des voyages pour la plupart des Chinois. La période devrait enregistrer un nouveau record selon l'Institut du tourisme de Chine. Pendant les vacances, le nombre de voyages à travers le pays dépassera 240 millions, soit 4% de plus par rapport à la même période en 2019. Alors vous imaginez 240 millions de personnes qui voyagent, c'est comme si un tiers de la population européenne partait en voyage. Et donc le montant de la consommation est à cette fois-ci pendant les 5 périodes, pendant les 5 jours de vacances, est estimé à 120 milliards de yuan. Alors concrètement, où vont ces voyageurs? Les villes chinoises font tout pour attirer les Chinois, espérant compter parmi les destinations attrayantes. Ils ont organisé ou ils proposent d'organiser des festivals de musique, des festivals d'art ou encore des festivals de cerfs-volants, des expositions des fleurs et aussi des barbecues. Donc, de différentes villes et de nombreuses villes chinoises se creusent la tête en effet pour paraître cool. Voilà, donc c'est une partie de l'économie des vacances en Chine pour cette fête des travailleurs pendant 5 jours. Donc là-dessus, nous allons donc pouvoir, durant cette période-là, constater plein de choses qui se passent. Alors effectivement, l'expérience, c'est aujourd'hui un mot très important pour attirer des touristes en Chine. Donc en effet, pour rendre un endroit attrayant, eh bien, il faut travailler beaucoup sur l'expérience des voyageurs. Si je vous prends un exemple, la ville de Zibo, qui est une ville qui ne compte que 3 millions d'habitants. En fait, une ville comme Zibo, 3 millions d'habitants, ce n'est pas une grande ville en Chine, hein, 3 millions d'habitants. Il faut dire que même parmi toutes ces petites villes en Chine, une ville comme Zibo, en effet, c'est devenu récemment viral sur Internet avec ses barbecues. Pourquoi? Eh bien, je vous explique. En effet, il s'agit de barbecues à la zibonaise, donc des barbecues locales. Chaque table dispose d'un petit réchaud et après, des serveurs viennent avec de la viande en brochette demi-cuite aux clients qui vont ensuite, en effet, continuer de griller la viande par eux-mêmes. Après, ils vont eux-mêmes enrouler la viande délicieuse et parfumée dans les fines crêpes, en effet, qui sont fabriquées à partir de la farine. Et après, avant de les... avec une sauce piquante. Donc, c'est ça, en fait, l'expérience, de travailler sur l'expérience, de rendre l'expérience de la restauration intéressante, de faire participer les clients dans la fabrication, dans la préparation de leur propre nourriture. Donc l'expérience amène aujourd'hui plusieurs semaines, déjà depuis plusieurs semaines, des Chinois à venir sur place, à se rendre dans la ville de Zibo, comme je vous ai mentionné, une petite ville de 3 millions d'habitants, qui n'est pas du tout une grande ville en Chine, hein, selon les critères des populations chinoises. Après, ce qui est intéressant, c'est justement en travaillant avec l'expérience, en travaillant avec aussi... c'est l'esprit de la communauté en Chine, eh bien, en fait, cette ville est devenue de plus en plus attrayante aujourd'hui. Donc, si je vous donne un exemple, selon les données de la plateforme Fliggy, qui est des plateformes de voyage, des plateformes touristes, eh bien, des mégapoles comme Beijing, Pékin, Shanghai, Hangzhou, Chengdu, Xi'an restent en effet des destinations populaires. Pour les vacances du 1er mai, ça reste toujours populaire. Mais les villes, comme je vous ai dit, les villes de beaucoup plus petite taille, comme Zibo, une ville de 3 millions d'habitants, ou encore Weifang, ce sont les deux villes à mentionner, par exemple, dans la province du Shandong. aussi des petites villes dans la province du Shanxi, dans la province du Shaanxi, dans la province du Zhejiang, en effet de différentes villes, en effet de petites villes, villes d'une plus petite taille, mais aujourd'hui enregistrent une croissance très rapide, voire plus rapide que les grandes métropoles au niveau des réservations de produits touristiques pendant les vacances du 1er mai. En effet, c'est non seulement un signe de reprise de la consommation et de reprise du tourisme en Chine, mais aussi ça montre l'importance de bien travailler sur l'expérience pour attirer des touristes.